Chant de Papillon blanc de Kadour Naïmi. Personnages et voix. Bruno. Daniel Lutringer. Houa. Christiane Jehan. May. Pauline Pucciano. Titre des chapitres et commentaires. Gustave. Arrangement musical. Bruitage. Kadour Naïmi. Partie 1. Adagio ma non troppo. Avec illustration picturale. Ô cœur meurtri, mais aguerri. 12 mai 2017, maison, Pékin. Chant, musique, et toi poésie, ô vous, pétales de la vie, à condition que soient fournis le soleil, la terre et la pluie. Mais moi, malheureuse Mei Li, sans elle, comment puis-je voler? Quand l'Orient vient en Occident, est-ce toujours le bon moment? Paris, 12 mai 2017, 21h. Allez, vomisse qui t'empoisonne. Pour une fois, utilise cet ordinateur non pour calculer des chiffres de profit, mais estimer la valeur de ta vie. Essaye-toi, selon l'expression consacrée, à la littérature. Mais la tienne, personnelle, intime, secrète. Opération, retraite contrôlée, autant que possible. Ah, le plaisir, écrire pour soi, rien que pour soi. Sans devoir complaire à personne, ni vendre une marchandise. Un très bruyant tonnerre ébranle l'air, suivi par un éblouissant éclair, ou le contraire, je ne m'en souviens pas. Habituelle averse, goutte de pluie tambourinant brutalement sous le toit et les vitres. Au volant de ma charrette à essence, comme toujours, visage tendu, me voici arrivé à la 60aine d'années, bien porté malgré tout, et convention oblige, élégant costume bleu sombre, chemise et cravate assortie, de chef. Plus exactement sous-chef, mais chef quand même. Le mot idiot. Ce soir, fin d'une journée photocopie de tant d'autres. Ordinaire, banalement banal. Ciel assombri par de gros nuages, chauve-souris affreuse d'eau et de gaz, et l'habituelle voix monocorde égrenant à la radio le bulletin d'information financière. Oscillation du marché, chiffres de la bourse, mouvement des actions. Heure de pointe, trafic bruyant et frénétique, comme on dit. Une voiture, en dépassant la mienne, la touche presque. Je l'évite de justesse. L'autre chauffeur, exaspéré mais pourtant en faute, me lance des insultes, heureusement inaudibles à cause de la vitre fermée de son véhicule. Pas la peine d'y prêter attention, mes batteries sont désormais vidées en fin de journée. Un peu plus tard, élégant immeuble, façade imposante, large fenêtre à chaque étage, protégée par de précieux rideaux, porte d'entrée très grande, battant d'un bois épais et raffiné. J'y pénètre d'un pas fatigué. Long couloir. Puis bureau vitré de la concierge, assise à l'intérieur, les yeux rivés sur la boîte à vendre du coca aux cerveaux infantilisés. Salutation de main à la dame, réponse semblable. Ascenseur. Sur le miroir, observation machinale de mon visage. Depuis quelque temps, habituelle prostration de l'habituelle journée. Cependant, de plus en plus harassante. Fallait de l'avant, bourricot. Labourer et labourer pour mériter ta mangeaille. Profond soupir. Inutile. Ridicule. Depuis quelque temps, soleil intérieur absent, absent l'air, absente la lumière, trop pénible de se tenir debout dans cet ascenseur, face à moi-même. 6e étage, ouf. Quand la porte de l'ascenseur s'ouvre, j'ignore que le dieu destin, ce petit grand malin, a décidé pour moi. Voici comment. Un groupe de jeunes femmes chinoises, des chinoises ici, crient dans leur langue d'un ton aigu pendant qu'elles tentent de toute leur force d'ouvrir la porte de l'appartement en face du mien. Je demande le motif de cette agitation. « À l'intérieur, » dit l'une des jeunes femmes, dans un français approximatif, en indiquant l'appartement. « Une amie vouloir jeter balcon, mourir !» Je ne savais pas que le logement était habité, en plus par une chinoise, et que maintenant elle veut se suicider. Comme pour intensifier le drame, dans un film de série B, broum, un coup de tonnerre ébranle le ciel. Ma curiosité demande « Pourquoi veut-elle mourir ? Fiancée, abandonnée, elle ? Et c'est pour ça que... » Je m'interromps stupéfait. Vouloir mourir parce que son homme l'a abandonnée, c'est quand même fort. Trop idiot. Les femmes continuent à frapper violemment sur la porte de l'appartement en hurlant des mots. Les uns semblent des ordres, d'autres des lamentations. Un autre coup de tonnerre vient accompagner ce cœur tragique de théâtre antique. La concierge apparaît, essoufflée, cause son volume corporel et avoir couru. « oh mon Dieu, qu'est-il arrivé ?» Sans satisfaire à sa curiosité, je lui demande « Auriez-vous un double de la clé de l'appartement ?» Elle n'a pas bien entendu ma requête à cause des cris des femmes. « Qu'avez-vous dit ?» Je répète en haussant la voix. « Avez-vous un double de la clé de l'appartement ?»« De l'appartement ?»« Oui, de l'appartement. Je pense que oui. Oui, je le crois. »« Alors apportez-la vite, s'il vous plaît. » Elle se précipite dans l'ascenseur en se lamentant. « Quel malheur, quel malheur !» Les secouristes improvisés continuent à dissuader leur désespéré ami de se tuer, sans parvenir à forcer la porte bloquée. De l'intérieur, la jeune femme crie, d'une voix stridente, déchirante. J'interroge. « Qu'est-ce qu'elle dit ?» La chinoise qui m'avait déjà adressé la parole explique. « Elle dit perdre face. »« Comment ça, perdre face ?»« Son fiancé quitte elle, abandonné. Elle, alors, pas vivre. » La chinoise se tourne brusquement vers la porte et clame à haute voix quelques mots. « Je veux comprendre. »« Que lui as-tu dit ?»« Pensez famille, parents. » Elle répond. « Pas pouvoir voir parents. Pas pouvoir, pas pouvoir. Honte, 10 000 fois honte. » Je reste déconcerté. Soudain, j'écarte les femmes et cogne de l'épaule sur la porte. Elles résistent. Je répète l'action plusieurs fois, jusqu'à me faire mal, inutilement. La concierge revient haletante, brandissant une clé en main. Elle ouvre rapidement la porte de l'appartement. Les femmes se précipitent à l'intérieur, saisissent la jeune infortunée. Elle hurle en se débattant furieusement. Ses amis réussissent à la maîtriser. Elle l'éloigne du balcon. En l'entraînant, elles la font passer près de moi. Visage ravagé d'affreuses douleurs, yeux rouges de sang, larmes abondantes, se mélangeant au liquide sorti des narines. J'en suis choqué, ébranlé. 23h55. Impossible de dormir. Cette jeune chinoise, ses cris, ses larmes, son visage. Depuis quand habite-t-elle ici? Ce quartier riche? Comment une immigrée peut venir y loger? Par les journaux, je sais que depuis quelques années, arrivent beaucoup d'étrangers, de plus en plus nombreux. Certains sont même clandestins, en majorité très pauvres, ne pouvant habiter que dans les parties les plus miséreuses de la ville. Mais alors, comment cette chinoise ici? Je l'appris par la suite. Certains propriétaires autochtones des quartiers modestes refusent de louer à des immigrés, par peur ou racisme. Ces derniers recourent à une solution différente. Une agence loue un appartement dans un quartier aisé et le plus discrètement possible y place une vingtaine de personnes. Celles-ci font tout pour rester invisibles aux habitants de l'immeuble. Si on les voit, elles déclarent n'être que des amis venus rendre visite à la personne occupant l'appartement. Je pense soudain au travail qui m'attend le lendemain. Faut dormir. Je me mets sur le côté, tête bien posée sur l'oreiller, ferme les yeux. Mais la voici, l'intolérable expression du visage et les cris douloureux de la candidate au suicide. Elle persiste à me tourmenter. À contre-cœur, je finis par me lever. Douche. De son gel le plus fort, l'eau inonde mon corps. Je lève le visage vers le haut, ferme les yeux et laisse le bénéfique liquide me masser vigoureusement les joues et le front tout en respirant profondément. Longtemps, je reste livré au martèlement apaisant. Mais l'eau d'une douche ne peut pas éteindre un volcan intérieur en éruption et crachant brutalement des laves brûlantes. Le visage de la malheureuse chinoise revient, envahissant, imposant, premier plan sur un écran de cinéma géant. Danser pour ne pas pleurer sans jamais être apeuré. 13 mai 2017, 21h25. Matin suivant l'horrible nuit passée, au volant de ma carriole, contrôle sur le rétroviseur, visage affreusement tiré. Durant mon peu de sommeil, cauchemar, un terrain battu, inconnu, désertique. Brusquement la terre se fend à mes pieds, tout au bord d'un abîme obscur, effroyable. Tentative de comprendre. 60 ans. Mon esprit me le ronronne toujours plus fort. À quand la tombe? Et l'examen des deux colonnes perdent ses profits. Désolé, tendre maman. Pour la première fois, pas d'anniversaire. Absent de la ville pour ne pas jouer à la fête avec une tronche de condamné à mort. Dans la voiture, sonnerie du téléphone portable. La secrétaire, habituelle voix inquiète. Où êtes-vous? Le directeur vous attend. Je suis en route, j'arrive dans quelques minutes. Un instant après, le boulevard. Oh non, route barrée, défilé de travailleurs, décidément. Et voilà surgir un mauvais souvenir. Une autre fois, bloqué de la même manière, la chère épouse avec moi. Comme toujours, élégamment habillée, belle mais visage rigide, regard de glace. Quel culot, grogna-t-elle d'une voix sifflante. De quel droit occupe-t-il la rue en empêchant les autres de circuler? Elle fixa les manifestants avec un mépris haineux, très principal de son caractère. Pour éviter d'être troublé par sa fureur, je tentai avec calme. La rue est leur ultime recours pour communiquer leurs problèmes au patron ou au gouvernement, afin de les résoudre. Et ils n'occupent la rue, en général, qu'après en avoir demandé l'autorisation, la preuve, l'encadrement policier. Mais on ne doit pas créer des problèmes aux autres, coupa-t-elle, têtue. Nous n'avons qu'à prendre un autre chemin. Non, je veux passer par ici, c'est plus court, cria-t-elle, exaspérée. Alors, m'étais-je dit, maintiens ton flegme. Mais l'énervement pointa dans ma voix. Tu ne trouves pas que tu es égoïste? Essaie de te mettre à la place de ces gens. Tu crois qu'ils sont là par plaisir, pour nous créer des problèmes? Ah, toi, répliqua-t-elle, excédée. Tu justifies toujours les autres. Par contre, moi, tu ne me comprends jamais. Ritournelle connue. Réaction de ma part attendue. Écoute, tu ne vas pas recommencer. Je t'ai plusieurs fois dit et répété. De toi, comme de toute autre personne, il y a des choses que je refuse de comprendre, parce que je les trouve inadmissibles. Et il y a d'autres choses que je comprends, même si elles me créent des ennuis. Faut pas mélanger torchon et serviette. Je prends un taxi, lança-t-elle, furieuse. Elle ouvrit la porte du véhicule, la ferma en la claquant violemment, puis s'éloigna. Je restai immobile. Autre sonnerie de téléphone. La secrétaire, encore. Dis au directeur que je suis bloqué par une manifestation. Je ne peux pas retourner en arrière. J'attends. Au fond de moi, pour la première fois, je suis content de l'inconvénient. Être dans la rue, regarder des gens, encore mieux, des protestataires. Ce plaisir me surprend. Auparavant, tout ce qui s'est dressé entre moi et mon travail m'a contrarié. Je sors de la bagnole et contemple le défilé. Masse imposante de travailleurs nombreux, brandissant des drapeaux de syndicats, de larges banderoles de revendications. Ils marchent calmement, visage plutôt détendu mais résolu. Un groupe joue de la musique. Un homme d'une trentaine d'années danse. Il tournoie joyeusement sur lui-même au milieu des musiciens. Radieuse vitalité. Bravo, histrion heureux, bravo. J'aimais danser dans ma jeunesse. Oh, combien ! Chaque fin de semaine, avec des amis, garçons et filles, partout, local, place publique, maison privée. Pour moi, une façon de faire l'amour. Désormais, tellement longtemps, pas dansé, quant à l'amour. Tandis que toi, jeune luron, au lieu de crier avec indignation, vociférer avec colère, ou pleurer sur tes malheurs, tu danses, heureux. 13 mai 2017, soleil couchant, jardin de l'harmonie préservée. Éclat de soleil brillant sur le lotus scintillant. Voici mon cœur défaillant et mon pauvre esprit errant. Ne pas ignorer la nuisance de la volonté de puissance. 14 mai 2017, soir. Suite de la journée. Rapidement, mon véhicule s'engouffre dans un sombre garage souterrain. Trop de voitures stationnées, pas de place libre. Retour à l'entrée, arrêt devant un gardien. S'il te plaît, garde-la toi-même, on m'attend d'urgence, merci. D'un pas rapide, je parcours les couloirs des eaux glacées de l'intérêt, plus exactement de l'usure légalisée. Depuis 35 années, j'y consume mes journées, certes bien payées, en fric s'entend, et en promotion professionnelle. Bref, salutation avec des collègues, expression préoccupée, partie visible de l'iceberg où sont submergés les pires tourments. Tous la même cause, l'argent. Chaque jour en gagner, le maximum, toujours plus. J'arrive au bureau de l'honorable et estimé directeur. Ses yeux froids me fixent, lèvres crispées. Encore la même gueule et mon matin foutu. Je m'efforce de maintenir une expression neutre de bon fonctionnaire. Je m'excuse pour le retard, une manifestation, et puis, à mon insu, les deux derniers mots sortent de ma bouche, je m'interromps. Et puis, questionne l'inquisiteur, je me décide. Après tout, j'ai toujours été un collaborateur modèle. Je peux donc exprimer ma pensée sans me sentir abaissé. J'ai besoin de repos. Il ne comprend pas. Et je comprends qu'il ne comprend pas. Facile à deviner. J'ai blasphémé devant le gardien du temple. Son regard m'examine plus attentivement. J'espère qu'il remarquera la pâleur de mon visage et mes yeux enfoncés à cause de l'insomnie de la nuit passée. Impossible, tranche-t-il, contrarié. Nous avons trop de choses à faire, et toutes sont urgentes. 5 minutes après, très énervé, j'entre dans mon bureau. Écran éteint des deux ordinateurs, mémoire surchargée de colonnes et de chiffres, 3 téléphones de couleurs différentes et partout, volumineuses liasses de documents. Je pense au temps nécessaire pour les étudier, aux personnes à rencontrer, clients ou collègues, subalternes ou supérieurs, et chaque fois, veiller à ne pas me laisser tromper, ne jamais oublier ce que j'ai devant moi, un adversaire prêt à profiter de ma moindre erreur et dont je dois deviner, au-delà des faux sourires de circonstances, les réelles intentions de requin. Guerre permanente. Munitions, chiffre d'affaires, placements, stock options, capital, spéculation. Encore le visage. Ravagé de larmes de la chinoise. Toc, toc, toc. Inopportun, mais... Entrez. Elle apparaît, comme tous ses avatars. Gentille, souriante, faussement serviable secrétaire, gracieuse, vêtements très soignés, conventionnellement très maquillée. Mais ce matin, tout m'est affreusement insupportable. « Bonjour, » dit l'automate humain. « Bonjour. » Ses mains me tendent un lourd dossier. Pour la première fois, j'y vois l'âge d'un bourreau, le poison d'un salaud. « Le directeur a besoin de votre diagnostic demain matin. »« Demain matin ?» Elle fait semblant de ne pas remarquer mon irritation. « Il doit, » précise-t-elle de la même voix neutre de machine automatique, « en parler avec le président. » Il ajoutait « Dites-lui qu'il a toute la journée et toute la nuit à sa disposition. » Mes yeux lorgnent le dossier, une pulsion violente, l'envoyant en l'air d'un coup de pied, puis quitter le bureau, m'en aller. La secrétaire attend, patiente. « Posez-le. » Elle met le fardeau sur le bureau et sort. Je rentre en moi-même. Depuis quelque temps, aller au fourneau me cause une vraie humeur. Elle est devenue boule de neige, toujours plus grandissante, plus dérangeante, plus angoissante. Jusqu'à présent, autrement dit avant-hier, je m'encourageais. Positivons, positivons. Oh, pas dupe. J'ai d'autruche, croyant éviter le danger. Je m'en sortais avec la décision, souvent formulée par les collègues lors des réunions. Quand le problème deviendra insupportable, la solution s'imposera d'elle-même. Pour l'instant, il faut résoudre le plus pressant. À chaque jour suffit sa peine. Le sournois assassin occulte son dessein. 15 mai 2017, aube, au sortir de mon lit, Pékin. Bonjour soleil, tu me réveilles. Encore un jour, mais sans amour. 15 mai 2017, soir. Une stridente sirène s'approche rapidement. Arrivée sous les fenêtres de mon bureau, elle s'interrompt. Un bref instant après, dans le couloir, des pas s'approchent précipitamment. Il s'arrête. Intrigué, je sors de mon bureau pour voir de quoi il s'agit. 3 infirmiers entrent rapidement avec une civière dans le bureau en face du mien. Devant la porte, quelques employés de la banque, très effrayés. « Monsieur Dumont, » m'annonce l'un d'eux. « Qu'a-t-il ? » ?»« Il est mort. »« Mort ? » ?»« On l'a trouvé, voilà un instant, en entrant dans son bureau. » J'y pénètre. Les ambulanciers s'affairent autour du corps, affalés sur le fauteuil. Le défunt semble dormir, tête posée sur les pages de plusieurs dossiers ouverts. Tout près, une soucoupe pleine de bouts de cigarettes consumées, un verre de café à moitié vide. Les secouristes prennent le cadavre, l'étendent sur la civière, puis sortent avec celle-ci. Une femme de ménage, munie de ses accessoires, entre dans le bureau funéraire. « Malheureux homme, » dit-elle avec tristesse, « mourir si jeune et de cette manière. » Eh oui, agitation, tourment, illusion, chagrin, ambition, faim. Que reste-t-il ? Un compte en banque, pour les héritiers. Un peu plus de 50 ans, monsieur Dumont, mais il semble beaucoup plus vieux. Corps bas et trapu, ventre proéminent, épaules affaissées, cheveux gris blancs, dos un peu courbé, écrasé par un poids trop lourd, l'argent, jamais un rire, jamais le moindre signe de gaieté. Chaque matin, il arrivait ponctuellement, horloge réglée, visage fermé, dépourvu même du conventionnel sourire de circonstance, et il disparaissait dans sa caverne moderne. Sorti que pour aller déjeuner, mais souvent il se contentait de commander un casse-croûte, une bouteille d'eau, un café, et rester rivé sur ses dossiers, jusqu'à tard, le soir. Il n'existait que pour trimer. On n'était au courant que d'un seul fait, divorcé depuis plusieurs années, apparemment sans autre relation sentimentale. Je l'ai nommé le robot, tellement sa démarche, ses mouvements et ses regards semblaient être ceux d'une machine. Une fois, j'ai eu l'envie de percer le secret de ce singulier comportement. J'y ai renoncé, glacé par le regard éteint. Cependant, le robot était bien considéré, bien noté par la direction. Normal. Il accomplissait son travail avec la précision d'un instrument, ponctuellement, ne s'intéressant à rien d'autre, encore moins au syndicat, pas même inscrit. À la demande d'un représentant, il répondit simplement « Non, merci ». Son interlocuteur essaya d'en connaître le motif. Les deux mots furent répétés par Dumont de manière mécanique, avec une froideur métallique. « Est-ce toi, ma bonne étoile, qui as mis en face de mon bureau celui de M. Dumont, pour m'avertir ? Fais gaffe. Mourir suite à un accident de voiture, maladie, assassinat, etc., soit, mais en comptant des chiffres, trop con. » Assis, courbé sur de volumineux dossiers, fumant cigarette après cigarette, fatigué, exténué, pourtant continuait à examiner les problèmes à résoudre, feuilleter les documents l'un après l'autre. De temps en temps, mes yeux affaiblis vont aux deux écrans d'ordinateur allumés, pleins de chiffres. Puis mes mains saisissent l'une des deux calculatrices électroniques, les doigts tapotent rapidement les touches, autres chiffres encore, ensuite analyse, confrontation avec ceux écrits sur l'un des écrans. Parfois, de la fenêtre fermée, proviennent des éclats de rire de passants dans la rue. Une moitié de mon cerveau les ignore, l'autre y est sensible. Mais la première l'emporte, en agitant le chiffon rouge. Rendement indispensable, salaire convenable. Je quitte le bureau du mort, retour dans le couloir. Aucun autre robot n'a quitté son occupation pour voir la tragédie. Seulement quelques employés subalternes, les uns effarés, d'autres pensifs, d'autres encore affligés. Mais au contraire de la femme de ménage, aucun commentaire de compassion. Cette mort est une pièce brisée d'un mécanisme général, rien de plus. Les survivants espèrent ne pas subir le même sort. Dans leur cerveau résonne la déclaration solennelle du président, celle de chaque début d'année. Seul le bilan d'activité compte, seul son résultat est considéré par les actionnaires. Ce sont eux qui nous payent. Et moi, devant ce mort, horrible absence d'apitoiement. À la guerre comme à la guerre, la pitié est un sentiment de faible ou de raté. Sentence de mon ex-chère épouse, elle aussi fonctionnaire, mais au service de l'État, donc indirectement de l'argent. On devrait écrire ce jugement sur le fronton de tout lieu où l'être humain n'est rien d'autre qu'une vis dans un engrenage, fonctionnant au service de quelques malins rapaces. Mais n'est-ce pas le cas partout? Je rejoins ma cellule dorée. Méditation. Hier soir, tentative de suicide d'une chinoise, par amour. Ce matin, décès par excès de travail, autre manière de mettre fin à sa vie. Et moi, ne suis-je pas en réalité une âme morte dans un luxueux cimetière? Le silence, les pas feutrés, les visages attristés, les yeux vidés, les corps fantômes flottant dans une étrange atmosphère délétère, tout suggère la mort, mais fastueuse, à cause des décors. Moquette rutilante, lumières étincelantes, secrétaire apparemment rayonnante, cravate apparemment pimpante, etc., etc. Ajoutons l'étrange entrée de l'immeuble, marbre de première qualité, scintillant, tapant à l'œil, imposant. Marbre dont sont faites les tombes, mais ici il annonce le pognon. Une seule fois, j'ai très sérieusement songé à quitter cet enfer doré. On me chargea d'un dossier top secret. Très gros à gagner, mais abominable moyen. Vente d'armes de mon pays développé à un autre dit du tiers-monde, pour lui permettre d'entreprendre une guerre contre un voisin, afin de s'emparer de ses matières premières, puis nous les vendre à un prix plus convenable. Gros, très gros profit. Mon honorable et distingué directeur avait conclu, triomphant, les yeux attisés par la convoitise. Je vois dès maintenant le président de notre établissement et celui de la multinationale partenaire annoncer l'exploit aux actionnaires. « Mesdames et messieurs, vous voilà plus riches encore !» Il n'ajouta pas « Et nous mieux payés ?» Pour la première fois, mes joues rougirent de honte. La révélation m'illumina. Le temple où j'opérais était habité par la volonté de puissance, la toute-puissance, la finance, le nerf de la guerre et de la plupart des actions humaines. 15 mai 2017, crépuscule, jardin de l'harmonie préservée. La bise furieuse, dédaigneuse, hargneuse, courbe le bambou. Il souffre beaucoup, mais ne brise pas. Têtu, il combat.